Comme l'autre qui me demandait tout à l'heure, il disait, j'ai déjà dit que j'aime pas ça aller chez les médecins. Enfin, pas les médecins, les dentistes. Tu sais, madame, là. Ça fait longtemps qu'elle est là. Parce que je souffre trop, c'est une chair. Mon corps, mon double est trop sensible. Je suis trop sensible. Je souffre trop. Je vois pas. Je regarde jusqu'à temps que je n'ai réellement de besoin. Vous allez sur une chaise de dentiste. T'es bien là. Mais moi, quand je vois sur une chaise de dentiste, je suis une vraie saluette. Je suis pas capable de souffrir dans mon corps physique. C'est trop dur. Fait que je stoppe. Jusqu'à temps qu'elle pourrit. Un jour, j'aurai peut-être des dentistes. Mais dis, j'aurai pas de dentier, m'en faire arranger. Mais il va être obligé de me booster un petit peu. Ça va loin, l'insécurité. C'est évident que si le double fusionne totalement, mais là, t'as plus d'insécurité, mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Tu changes de plan, t'es épuisé. Donc, tant que t'es petit, t'as ton système nerveux, tes petits nerfs. Ma petite fille, j'ai dit à ma petite fille cette semaine, j'ai dit, ton dentiste, tu fais-tu mal? Elle dit non, papa. Je peux pas me fier à elle. Parce qu'elle avait montré qu'elle était tough. Mais moi, je suis pas tough. Fait que si je finis sa chaise, je vais être en maudit, mais je suis sorti de là. Je suis pas fier. Faut que je me fie à moi-même. Oui, mais il met un 50 dans sa poche avant qu'il me mette l'aiguille dans la bouche. Fait qu'il va faire attention. C'est terrible. Différence physique. Pour moi, vous autres. Non. Y en a-tu que ça ne dérange pas d'aller chez le dentiste, faire nous autres? Ça ne vous dérange pas. Chanceux. Savez-vous qu'est-ce que c'est la valeur psychologique de l'aiguille? Les psychologues, ça les intéresse. Qu'est-ce que c'est la valeur psychologique d'une aiguille? C'est intéressant. Une aiguille, ça représente psychologiquement, astralement, ça représente la destruction par rayonnement. Tiens, rayon. Bon, mais l'aiguille, là, c'est la qualité matérielle de cette même forme-là. C'est pour ça que c'est si fort, l'aiguille. Ça fait paniquer tellement de monde. Les poutres sont fines, les aiguilles sont petites, sont bien avancées aussi. Mais l'aiguille, ça a la même vibration qu'un rayon. La forme. Regarde un rayon là, astralement, puis regarde une aiguille astralement, tu vas voir qu'il y a un grand parallèle entre une aiguille matérielle et un rayonnement. Puis un rayonnement, ces autres-là, c'est la destruction. Parce que les rayons, quand ils bombardent, quand ils pénètrent les matières, ils transmutent, les détruisent, les changent, les transforment. C'est pas que l'homme a si peur d'aiguille, je ne blâme pas par ça. Puis il y en a qui ont plus peur que d'autres, puis moi, je suis plus peureux des autres. Mais la différence entre moi et vous autres, c'est que vous avez peur de l'aiguille. Vous n'avez pas peur de l'aiguille, mais vous avez peur de votre double. Tandis que moi, j'ai pas peur de mon double, j'ai peur d'aiguille. J'aime mieux avoir peur d'aiguille. Ouais, ben quand t'es fusionné, il t'a fait apporter où il veut. Vous autres, vous êtes capables de vous auto-suggérer et auto-suggestionner. Moi, je suis pas capable. Si c'est vu que je sente l'aiguille, il m'a senti, ça change mes vibrations. Tout sert. Fait que là, je vous l'ai dit au début de la conférence ce soir, l'insécurité sert toujours le double. Tout le temps. Il s'en sert à tous les niveaux. Même au niveau matériel. Moi, j'en ai cantonné des emboîtements. Ah! J'ai cancer tout le temps. Ça fait 3 ans que je vais aller. Cancer, j'ai cancer. Des fois, je dis à ma femme, mais fais-moi-en un, là. Dis-moi-le pas. Dis-moi, il n'y a pas d'avance, trop. Puis là, quand tu viens, là, comme elle dit, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Faut que j'amène mon char au garage. Faut que j'aille en ville. Mais un jour, là, on m'a arrêté ça. J'ai hâte d'avoir des belles dents. C'est inouï, l'insécurité. Va vous dire ce qu'il dit au niveau de la sécurité. Il dit que l'insécurité, c'est ce qui crée, c'est ce qui fait que l'homme planétaire existe. Si toi, là, t'avais aucune insécurité, là, aucune, tu disparaîtrais. Bien sûr. Ça, je ne comprends pas, mais il faut me le développer. Ils disent que l'insécurité, c'est la différence entre ce que nous autres, on appelle Dieu et Lucifer. La différence entre les deux, c'est de l'insécurité. Autrement dit, aussitôt qu'on sort de l'énergie indifférenciée pour rentrer dans l'énergie différenciée, il y a de l'insécurité. Extrêmement subliminal, mais qui est rendu dans la matière devient. Puis tous les êtres qui sont plus complexes, tels les animaux et l'homme, la vie. L'animal, il vit l'insécurité. Pas la plante, parce que la plante n'a pas de corps mental. Mais l'animal, qui a un petit corps mental, un petit centre d'énergie mentale, il vit l'insécurité. Aussitôt qu'il y a un corps mental, qu'il y a la formation d'un atome mental, il y a de l'insécurité. Dans la biologie. Puis l'homme, naturellement, encore plus. C'est pour ça qu'au cours des années, vous allez la vivre, l'insécurité, à tous les niveaux. Essayez de vous rappeler que quand vous allez la vivre, elle est nécessaire. Et le point, c'est pas de la rejeter, c'est de la vivre, d'en souffrir, de la souffrir jusqu'à temps qu'elle s'éteint. Et comme ça, vous avancez vers la mutation. C'est pas important que vous essayez de la mesurer, surtout avec d'autres personnes, ainsi de suite. Mais c'est important que vous la viviez, votre insécurité. Et comme ça, vous allez la dépasser. C'est en la vivant que vous allez la dépasser. Mais si vous ne la vivez pas, votre insécurité, vous ne la dépasserez jamais. Les gens qui se sécurisent pour ne pas vivre leur insécurité ne peuvent jamais en arriver à un état de conscience supérieur. C'est pour ça que les gens qui sont très riches, qui ont beaucoup d'affluence, puis qui se sécurisent, ne peuvent jamais se conscientiser. Quand Nazarène disait « c'est aussi dur pour un chameau de rentrer avec une aiguille », c'est ça que vous avez dit? Parce que l'homme se sécurise psychologiquement contre son insécurité qui fait partie de sa condition planétaire, c'est-à-dire mentale et émotive. C'est pour ça que dans la mutation, souvent l'homme est enlevé ce qui avant le rendait insécure, votre mémoire, votre éducation. Votre facilité de travailler avec des formes, votre facilité de manipuler des formes, votre facilité de lire, votre facilité d'emmagasiner de l'information quand vous êtes à l'école, à l'université, ainsi de suite, vous la perdez. Ça insécurise l'ego. Ceux qui vont à l'école aujourd'hui, là, qui me connaissent depuis un an ou deux ans, je suis sûr que vous n'avez pas la même faculté de rétention que vous aviez avant de me connaître. Ceux qui ont à étudier le jour, là, je suis sûr que vous n'avez pas la même faculté de rétention que vous aviez avant de me connaître. Alors ça crée de l'insécurité. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous amène petit à petit à vous détacher de la forme qui vous donne une sécurité, qui est pas nécessairement fausse, mais qui n'est pas réelle, pour que vous en arriviez à vivre de votre intelligence, qui est sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est la sécurité? C'est l'intelligence du double à travers l'homme planétaire. C'est ça la sécurité. La manipulation de cette énergie-là, c'est la sécurité. C'est évident, parce que tu as toujours le dernier mot, tu as toujours raison, tu as toujours, tu sors toujours des situations. Fait que tu es toujours sécure. Tu as la volonté pour aller avec ton intelligence. Fait que tu es toujours sécure, tu es toujours sécure. Tu ne souffres jamais d'insécurité, vraiment. Mais pour que l'homme vive ou connaisse son intelligence et sa volonté, il faut qu'il perde cette insécurité qui fait partie de la constitution normal de l'homme planétaire. Et il y aura très peu d'hommes, parce qu'il reste pas tellement de temps avant la fin du cycle, il y aura très peu d'hommes sur la Terre qui pourront passer à travers toutes ces étapes de transformation-là qui feront en sorte qu'un jour l'homme pourra voir le double. Ça qu'ils disent souvent, il y a pas beaucoup d'élus. Très peu d'élus, c'est normal. C'est un phénomène d'évolution. Avec le temps, il y en aura plus. Mais si on constate que l'insécurité, elle existe dans l'homme parce que l'homme a l'impression d'être, on s'aperçoit qu'aussitôt qu'on a l'impression d'être, on est insécure. Les recherches philosophiques, les philosophes qui essaient de saisir qu'est-ce que c'est être? Qu'est-ce que c'est être? Tu sais, ceux qui sont à l'université, qu'est-ce que c'est être? Ça fait partie du phénomène d'insécurité chez l'homme. Aussitôt qu'on cherche à être, c'est une manifestation d'insécurité. Autrement dit, l'homme planétaire qui fait face ou qui est, je pourrais dire, manipulé, si vous voulez, énergiquement par l'homme cosmique, il reste plus grand place à aller. Il reste plus grand terrain sur lequel marcher. Éventuellement, il reste pas. C'est ça la sécurité. C'est pour ça que les hommes ont de la difficulté à comprendre quand on dit il n'y a rien à comprendre. Ou t'as pas besoin de penser pour être intelligent. Ou t'as pas besoin de mémoire pour être intelligent. Parce que l'insécurité de l'homme façonne une condition, en là, sont nécessaires, sont essentielles à sa sécurité psychologique. Bien ça. Me donnent qu'une phrase, mais on va développer le reste. Ils disent que l'homme est un être qui a été substitué. Ça veut dire que l'homme est un être, autrement dit une réalité quelconque, hein, qui a été substitué pour un autre pendant un certain temps. Et l'homme doit revenir à l'être-té qui avait été originellement substitué. C'est ça le retour à la lumière qu'on dit souvent. L'homme doit retourner à ça. Autrement dit, l'homme qui est ici, il doit un jour réaliser qu'il est ici. Quand il va avoir réalisé ça, il sera plus ici. Il y a un mystère qui sort de cette constatation-là. Et c'est le mystère de la réalité. Le mystère de la réalité engendre l'équivoque entre l'homme cosmique et l'homme planétaire. C'est-à-dire qu'aussitôt que l'homme commence à penser à la réalité, il se replonge dans la conscience planétaire. Donc, quand l'homme n'est plus capable de se référer ou de se projeter ou de s'intéresser à la réalité, à ce moment-là, il avance dans la réalité. Tant que l'homme se projette, cherche, veut avancer vers la réalité, il se maintient dans la conscience de l'homme planétaire, même si cette qualité au niveau de la conscience planétaire est une qualité positive de son évolution. Mais un jour, par le dos, il sera forcé de ne plus s'intéresser à la réalité. Il n'y aura plus à s'intéresser à la réalité parce qu'il sera dedans. Tu t'intéresses toujours à ce que tu n'as pas. Une fois que tu l'as, tu t'intéresses plus. Gardez vos femmes. C'est pas ça que je voulais dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est pas ça que je veux dire. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est important pour vous autres d'en arriver à plus vous intéresser à la réalité. Parce que la réalité à laquelle vous vous intéressez, c'est une réalité qui naît de votre insécurité. Elle naît de votre insécurité. Et si vous aviez à faire face à votre réalité dans l'état où vous êtes, vous ne pourriez pas comprendre. C'est important pour l'homme qui est arrivé à un certain niveau de compréhension, de conscientisation, de commencer à ne pas s'intéresser à la réalité. Parce que tant que vous vous intéressez à la réalité, c'est pour convertir, d'une certaine façon, psychologiquement, votre insécurité en sécurité. Moi, je sais très bien que ce qui est réel, ce qui naît du double, est absolument intransigeant dans la vie de l'homme planétaire. Tu peux pas jouer avec le double. Tu peux pas dire, bon, sois donc fin, tu peux faire une faveur. Là, j'ai éliminé ça, l'affaire de l'ajusteur de pensée, là, parce que je me sers du double au lieu pour remplacer l'ajusteur de pensée pour vous amener à prendre conscience de vous-même au lieu de prendre conscience d'une entité qui est au-dessus de vous. Et le temps, je parle de même. Mais ça fait partie des mensonges. Mais l'homme, un jour, va réaliser une chose. Il va réaliser un jour que le double est absolument intransigeant vis-à-vis de l'homme planétaire. Quand le double sera transigeant avec vous, vous serez dans les pouvoirs de l'homme cosmique sur la Terre. C'est là que l'homme aura le pouvoir sur la matière. Là, il n'y aurait plus de division entre l'homme planétaire et l'homme cosmique. Ce sera un, ce sera une unité, ce sera la nouvelle civilisation. Mais d'ici à ce temps-là, c'est évident que le double ne vous donnera jamais un iota, une petite parcelle de ce que vous désirez, parce qu'il ne peut pas s'assujettir à la vibration astrale de l'homme planétaire, le double. Il doit la défaire, la défaire, la défaire, la défaire, la défaire. C'est pour ça que je dis souvent, c'est une tête de cochon. C'est une tête de cochon absolue, le double. Pourquoi? Parce que sa perfection est telle qu'il ne peut pas enfreindre les lois de sa réalité, qui sont les lois de la lumière, qui sont les lois d'un monde qui ne naît pas des conditions de l'involution ou de la création, mais d'un monde qui est avant ça, un monde qui est parfait. Et la perfection, c'est beaucoup plus rigide que l'imperfection. Les gens essaient de sentir, de voir, de percevoir la différence entre ce qui est astral en eux et le double. Essaye de voir la différence entre les influences astrales et le double. Essaye de voir la différence entre les pensées qui sont astrales ou qui viennent de l'astral et le double. Je vais vous éclaircir sur ce sens-là. Ce qu'on appelle l'astral, c'est le double qui est diminué dans son énergie par nos émotions. C'est ça l'astral. L'astral, c'est le double qui est diminué dans son énergie par nos émotions. Ça, ça crée l'astral. Alors, quand on dit une chose est astral, ça veut dire que l'énergie du double est diminuée à cause de notre émotivité. Ça, l'astral. Donc, l'astral existera tant que l'homme ne sera pas complètement fusionné à son double. Donc, la mort existera sur la Terre tant que l'homme ne sera pas fusionné à son double. Donc, l'inconscience, la condition de notre société. Donc, l'astral, c'est quelque chose qui a été créé par la condition émotive, subjective, psychologique de l'homme. Alors ça veut dire qu'avant que l'astral soit créé dans sa condition à cause de la nature de l'homme, il devait y exister des entités ou des intelligences qui étaient astrales. Non, c'était pas astral. Les forces lucifériennes ne sont pas des forces astrales. Ce sont des forces qui se servent de l'astral contre l'homme. Donc, éliminer l'astral d'une planète, de la conscience d'une population humaine, Les forces luciférienne n'ont plus de pouvoir sur l'homme parce qu'il n'y a plus de plan de communication avec l'homme. L'homme est Donc, le mal, ce qu'on appelle le mal sur une planète ou l'inconscience, à quelque niveau que ce soit, relève du fait que l'homme n'est pas suffisamment avancé dans sa conscience, que l'homme planétaire n'est pas suffisamment fusionné au double ou à l'homme cosmique. Donc, il existe ce qu'on appelle l'astral, parce que l'homme en formule, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce champ de force qui est astral, qui est un champ qui contient toute la mémoire de l'action de l'homme, est utilisé par les forces luciférienne pour gérer selon les lois de l'évolution. Alors, ça nous amène à quoi? À constater qu'il existe dans le cosmos ce qu'on appelle le mal cosmique puis le bien cosmique. Le mal cosmique, c'est l'activité des forces luciférienne, comme le bien cosmique, c'est l'activité du double. Donc, le double fait partie de la hiérarchie. Donc, cherchez pas dans vos têtes des arcanes puis des anges. Le double fait partie de la hiérarchie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la hiérarchie, ce qu'on appelle nous la hiérarchie occultement, est en train de descendre sur la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le double, la pensée cosmique, est en train de rentrer, de pénétrer, de se faire valoir ou prévaloir dans l'homme. C'est ce qu'on appelle le retour du Christ. Alors, quand ce phénomène-là sera étendu, manifeste, ce sera le retour du Christ. Mais avant que l'homme connaisse, comprenne ceci, il va falloir qu'il perde totalement son insécurité. Il se déastralise. Parce que l'insécurité est faite d'astralité. Tout le temps. Et tu peux pas enlever ça de main. Ça s'enlève pas de main. Ça se détruit dans l'expérience. Donc, toutes vos expériences, à quelque niveau que ce soit, sont bonnes. Toutes sont bonnes. Et un jour, vos expériences seront toujours plaisantes parce que vous aurez pu à vivre le travail que fait le double sur l'homme planétaire. Donc, votre vie sera plaisante à ce moment-là. Mais d'ici à ce temps-là, votre vie est plus ou moins plaisante. Des fois, elle est plaisante. Des fois, elle ne l'est pas. Vous avez des hauts et des bas. Puis, si vous avez des bas, il y a un travail qui se fait tout le temps, sachant ce que vous savez. Mais il faut que l'homme sache ce qui se passe pour qu'un travail se fasse. S'il ne sait pas ce qui se passe, il ne fait pas de travail. Il retourne à l'astral. S'il sait ce qui se passe, il en sort de l'astral. C'est pour ça que l'instruction est si fondamentale à l'évolution de l'homme. Il faut savoir ce qui se passe. S'il ne sait pas ce qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Tu retournes à l'astral. S'il sait ce qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Tu sors de l'astral. Tu deviens de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Tu as moins en moins d'insécurité, d'insécurité, d'insécurité. Quand tu n'as plus d'insécurité, tu es bien. T'es bien pour plusieurs raisons. Parce que tu vis dans la matière ce que le double projette en énergie. Donc, tu vis dans la matière ce que le double projette dans l'énergie, dans ton mental, dans ton astral, dans ton vital, dans ton physique. Donc, c'est ton double qui prend soin de tous tes états inférieurs. T'es bien. Tu vieillis presque pas, t'es toujours en santé, tu fonctionnes. Un jour, s'il veut se rapprocher, encore les vibrations montent. Ça veut dire que la maladie naît de l'insécurité. Pour qu'un homme ne s'occupe pas de sa santé physique, faut il faut qu'il soit dans son intelligence. Censé va s'en occuper, c'est normal. Si t'es dans ton intelligence, si t'es dans ta conscience, si t'es conscient de ton double, tu t'inquiètes pas de ta santé, tu sais consciemment que ce que tu fais ou les excès que tu sembles faire sont simplement des conditions qui te sont imposées par le double pour dépasser quoi? L'émotivité de ta santé et l'attitude mentale de ta santé. C'est l'émotivité de votre santé et l'attitude de votre santé qui vous rend malade. Si vous n'aviez pas d'émotivité vis-à-vis de votre santé ou d'attitude mentale envers votre santé, vous seriez pas malade. Il s'agit de s'inquiéter d'être malade, tu l'es tout de suite. Puis ton double te dit rien, là. Correct. Là, ton ego d'homme planétaire, trace pas. C'est le phénomène quand vous êtes ensemble chez vous, le soir, vous parlez, puis vous rentrez à 8h, puis il est rendu 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, puis t'es pas capable de partir, tu sens une vibration que c'est pas le temps encore de partir. Il y a un conflit entre l'homme planétaire et le double. L'homme planétaire va se coucher, sa femme va crier après, puis le double, il veut le garder là. La job le lendemain matin. Toutes les situations créent une forme ou autre d'insécurité. C'est le double qui énergise l'homme planétaire. Mais s'il n'y a pas de blocage, il énergise. Mais s'il y a moindrement un blocage, il ne peut pas l'énergiser. Parce que l'émotivité et l'attitude mentale vont couper l'énergie du double. L'homme va être fatigué au lieu d'être plein de vie. Moi, j'en ai une grande expérience avec la cigarette. Je suis tanné de fumer la cigarette. Mais il faut que j'attende que c'est lui qui me coupe d'en fumer. Si moi, je me coupe à fumer la cigarette, ça ne sera pas bon pour ma santé. Là, je la rends maudit le cancer. Mais tant qu'il dit fume, fume, c'est bon. Je fume. Ça balance mon corps astral. S'il ne veut pas que je fume, je suis pas capable de fumer. Je n'ai pas le goût de fumer. Mais c'est pas moi qui ne veux pas fumer. C'est lui qui me coupe de fumer. Ça va loin dans l'insécurité. Ça touche à tous les aspects de notre existence. Il y a des choses qu'on sait viscéralement qu'on devra faire, puis on a été influencé, on a lu des livres. Pas bon manger de la viande. Si le double ne veut pas que tu manges de la viande, ça c'est une chose. Mais si le Dr. Spock, là c'est une autre affaire. Si le médecin dit prends des pilules, puis ton double dit prends-en pas, t'as un choix à faire. Ah, t'as encore de l'insécurité, tu vas en prendre. Tu vas te rendre malade. Le double sait si tes pilules sont trop fortes. Il sait, il le voit. Mais toi, ton insécurité, t'as assez peur. C'est toujours de même. Puis si on regarde ça comme étant un phénomène d'énergie, tout le temps, c'est toujours un échange d'énergie entre un plan et un autre. On s'aperçoit qu'on fait interférence constamment, constamment, constamment, depuis qu'on est jeune. D'où l'insécurité. Puis on la rationalise. Puis on la rationalise. Puis on la rationalise. C'est impossible au double de détruire l'homme. C'est impossible. Même si le double vous fait faire des choses qui semblent destructives, sont constructives. Le double, il est créatif. Il y a toujours raison le double. Fait que quand le gars il est capable de prendre conscience de ça, là, il génère plus d'émotivité et de mentation subjective. Moi, j'ai eu un accident avec mon auto sur ma route, là, dernièrement. J'ai dit, pourquoi tu m'as fait faire ça? Il dit, c'est bon, je suis en vibration de ta femme. Fait que moi, je pète ma porte, je suis en vibration de ma femme. Mais si moi, je me fais prendre dans mes émotions, là, ça travaille sous moi en même temps, puis sous ma femme. Jusqu'à temps que. Fait que ça va loin. Ça Parce que là, on rationalise. Ben oui, puis c'est sans dessein de l'argent dépensé pour rien. On rationalise. On rationalise. Il dit qu'on est des vrais tapettes, mais il veut dire qu'on est des vrais patins. On parle avec émotion constamment, comme les tapettes, par exemple. On n'est pas capable d'écouter le dos, de vivre le dos. On ne vit pas le dos parce qu'on a peur de vivre une double vie. On vit une vie, on veut vivre une vie qui est simple. Une vie qui est planétaire. On a peur de vivre deux vies. Une qui est cosmique et une qui est planétaire. Parce que, c'est instable, on dirait. Pourtant, c'est pas instable. In the meantime, c'est instable. Ça, c'est la période de transmutation. Mais un jour, c'est plus instable pendant. Tu joues le jeu constamment, du planétaire au cosmique, planétaire au cosmique, planétaire au cosmique. Mais on veut toujours être sur le safe side. Tout le temps. C'est notre insécurité. Ce qui est le plus dur pour l'homme planétaire, c'est d'accepter l'irrationnel. Ce qui est irrationnel, c'est le plus dur. Puis c'est le pire, c'est que c'est ce qui est irrationnel qui est le plus intelligent. Parce que l'irrationnel n'est pas sans raison. L'irrationnel est supra-rationnel. Mais on n'est pas capable d'aller avec l'irrationnel, le supra-rationnel, pour que tout soit rationnel à cause de notre insécurité. Donc, on ne développe pas la résistance émotionnelle, la résistance mentale pour absorber l'énergie du double, donc on ne peut pas avoir la conscience cosmique. C'est évident que la conscience cosmique, appelez ça comme vous voulez, c'est pas un don. C'est pas un don, la conscience. C'est le résultat d'une souffrance continue jusqu'à temps qu'elle arrête. C'est ça, la conscience. La mutation, la transmutation, appelez ça comme vous voulez. C'est le résultat d'une souffrance permanente pendant des années, des années, des années, des années, des années, des années, des années, des années qui varie selon chaque individu. Il y a beaucoup d'informations qui nous est données aujourd'hui pour qu'on souffre moins. Ça allonge le temps. Mais ça amène une quantité d'énergie pareille. Que tu l'aies tout d'un bloc ou tu l'aies sur une période de 20 ans, tu vas l'avoir pareil. Les femmes, quelle place qu'elles aient vécu votre insécurité dans l'amour? Toutes les femmes vivent l'insécurité dans l'amour, toute la gang. Même si vous êtes des princesses ou des femmes de carrière ou des femmes. Toutes les femmes, parce que c'est la nature de l'homme planétaire, de la femme planétaire, de vivre l'insécurité dans l'amour. Comme c'est la nature de l'homme planétaire de vivre l'insécurité en fonction de son travail, sa culture, et ainsi de suite. Les femmes, c'est dans l'amour. Alors, la femme doit dépasser l'insécurité de l'amour comme l'homme doit dépasser l'insécurité de sa carrière. C'est pas facile pour la femme. Parce que la femme, il y a des conditions à l'insécurité de la femme qui sont beaucoup plus pesantes que l'homme. Parce que la femme représente un être matériel qui nécessite une certaine intégration de ses principes, jusque dans la matière. Il faut que la femme ait un certain charme, parce que ça fait partie de sa fonction sur le plan matériel au niveau biologique, procréatif, ainsi de suite. Tout d'un coup, qu'elle n'a pas le charme! Tout d'un coup, qu'elle n'a pas le charme! Il faut qu'elle dépasse l'insécurité de ça, c'est temps. C'est pour ça que la femme est grande. C'est pour ça que la femme est grande, parce que si la femme réussit et qu'elle n'a pas lâché, oh, quand t'as le charme, si tu n'as pas le charme, Puis ça te crée de l'insécurité parce que t'as pas le char. Si la femme a réussi à dépasser ça, ça veut dire qu'elle est très grande. La femme est grande. Tandis que l'homme, lui, c'est de dépasser des conditions psychologiques vis-à-vis le travail, vis-à-vis la matière, vis-à-vis l'argent, vis-à-vis. C'est pas pareil. C'est pour ça que la femme est beaucoup plus grande que l'homme. Du point de vue du double. La femme est plus grande que l'homme. C'est pas la femme que j'ai parlé hier, j'ai parlé de la France. La femme est plus grande que l'homme. Parce qu'elle est sujet à un karma qui, s'il est difficile, ne peut pas être réparé matériellement. Tandis que l'homme peut toujours réparer sa condition matérielle. Avoir une bonne job, à l'université, avoir des degrés. La femme, si elle a le nez ici, elle est pognée le restant de sa vie. La chance qu'elle se marie est mieux de tomber sur un gars qui est bien, bien aveugle. Mais il y a toujours une porte de sortie. Parce que le double fera en sorte, la partie cosmique en elle fera en sorte qu'elle est bien seule. Son problème est résolu. Mais avant que la femme réalise qu'elle est bien seule, si elle est infortunée karmiquement, il faut qu'elle devienne consciente. Sans ça, elle va se plaindre toute sa vie qu'elle a le nez là. Si un jour elle est capable de réaliser qu'elle a le nez là, ça fait partie de sa vie, puis rien là, ben à ce moment-là, elle est correcte. Elle ne souffrira plus de son nez qui est là. Tandis que le gars, s'il a le nez là, puis il a bien l'argent, il va se trouver une guidonne pareille. C'est pas graphiquement. Quand t'as des vieux riches, des vieux millionnaires de 60 ans, des octogénaires, puis des septants, des sept... En tout cas, tu sais, 72 ans qui se marient des petites filles de 23-24 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont le fric. C'est pas parce qu'ils ont le nez là. Mais avec qui va avoir le nez là? Mais je sais une chose, c'est qu'il y a bien des femmes qui se plaignent de leur insécurité en amour parce qu'elles ne sont pas suffisamment sensibles à elles-mêmes pour réaliser que l'homme, il a des yeux pour voir. Donc, donnez-lui de la matière pour qu'il voit bien. Habillez-vous comme du monde, rendez-vous chic, plaisante, habillez-vous selon votre personnalité. Au lieu de suivre les modes et toutes les niaiseries qui se passent, puis avoir de l'aide des clowns sur la rue. Y en a-tu qui ont vu Mme Bessette dernièrement au party de Noël? Elle avait une belle robe noire. C'est pas une beauté à 60 ans. C'est belle, hein? C'est belle, belle robe noire. Beau cheveux montés. C'est arrivé avec son balai et son tablier, mais c'est évident qu'on a crissé notre camp. Puis on ne réalise pas l'importance de l'habillement dans le monde parce que depuis une vingtaine d'années, 25 ans, il y a eu toute la mode des pieds et la drogue. Mais avant, ça a toujours fait partie de la culture humaine, l'habillement, les Grecs, les Romains, les Zouaves, toute la guerre. Mais on était tellement spiritualisés, on était tellement perdus dans les nus, là, qu'on a perdu conscience que l'habillement sur le plan matériel est une manifestation du double à travers le corps astral pour donner au corps matériel une vertu. Et la vertu, c'est dans le raffinement de la personnalité humaine. C'est important. Il y a des femmes qui ont cette sensibilité-là. Il y a des femmes qui ne l'ont pas. Ensuite, ils se plaignent. Vous avez des maris. Votre mari, quand il arrive à la maison, soir, il aime ça vous voir un petit peu. Bien tourné, au lieu d'être totalement. Les hommes ne voient pas. Les hommes ne comprennent pas les femmes, puis les femmes ne comprennent pas les hommes. Le sexe, les sexes opposés ne se comprennent pas. Ah, nous autres, on veut toujours que notre femme soit belle. La femme aime ça de nous voir beau, si on pense pas à ça. La femme, elle s'est tout attriquée comme tu manges. Mais elle, quand elle dit, mais habille-toi dedans, mets-toi dans une paire de souliers, il y a des trous dedans, on ne le voit pas. On se trouve avec nos souliers, puis on se rationalise, on est confortable, nous autres. Je suis bien dans mes savants. Mais elle, elle n'a plein de cul, ça fait 3 ans qu'elle est vouée, tu sais. Puis après ça, on se demande pourquoi est-ce qu'elle regarde pas Jean-Paul au bord de la rue. Tu comprends? C'est une belle cravate. Ça fait-tu partie de ta conscience, ça fait-là? L'homme planétaire est un être qui fonctionne énormément par le biais de sa conscience astrale, de son corps astral. C'est un corps qui est très actif, le corps astral. C'est ce qui donne la vie à vos yeux. Fait, si il est moindrement sensible, votre corps astral, faut que vos yeux voient selon sa sensibilité. S'il n'y a pas de feedback, éventuellement, il s'écarte. Fait qu'il y a bien des femmes qui sont pas heureuses en amour, qui peuvent pas rencontrer, qui peuvent pas combler cette insécurité-là, pas parce qu'ils sont pas fines, pas parce qu'ils sont pas gentils, pas parce qu'ils n'ont pas des grandes qualités, mais parce qu'ils n'ont pas d'allure. C'est moins important pour un homme d'avoir de l'allure que d'une femme. C'est très important pour une femme d'avoir de l'allure. Pardon? OK, je continue sur ça. Ce qu'elle dit, elle, c'est très juste. Il y a des femmes qui aimeraient ça, tu sais, se donner de l'allure. Mais le gars, lui, il n'en a pas. Le gars, il n'y en a pas. Fait, comment est-ce que tu veux que la femme, elle... Parce que la femme, elle se donne toujours de l'allure en fonction de son amant ou son mari ou son homme. À moins qu'elle soit seule. Ou qu'elle se fasse. Mais la femme, elle projette sa beauté dans le monde, la femme. Mais s'il n'y a personne de recevoir, éventuellement, elle va s'écœurer. Elle va garder ses vieilles guenilles pour sauver son argent. Parce que ça coûte cher pour une femme de sa vie. Vous avez entièrement raison. Oui, d'accord. Je parle de l'allure physique.